Entre 1h et 6h du matin, les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Le mot synonyme est dans tous les dictionnaires, bien sûr, comme tous les autres mots, enfin comme tous les autres mots qui sont dans un dictionnaire. Alors, synonyme, précisément. Donnez un synonyme du mot dictionnaire. Petit Larousse. Il a plus de 100 ans, ce n'est pas le plus ancien, bien sûr. À sa naissance, il voulait le savoir à la portée de tous, la démocratisation de l'instruction, l'idéal pédagogique. Et il est devenu aussi le témoin de la société. Et peut-être, pour certains lecteurs, un support à l'imagination romanesque, voire érotique, qui sait. Le Petit Larousse, un lieu de mémoire, émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 17 décembre 1998. Lieu de mémoire, le Petit Larousse, par Simone Douek. Oh, il y a cette colère après mon père, on avait tout ça. Ah oui, c'était jeté. Ah, mais je sais pas. Comme nous. Je sais pas ce qu'il en a fait, mais. Non, c'est ces petites. Mon père avait tout ça. Hein. Ah, oui. Voilà. C'est-à-dire, c'est quoi courant. Voilà, c'est ce que je veux dire. Nouveau Petit Larousse. Ah, voilà. C'est un autre. Oui, oui, oui. Non, mais c'est celui-ci. C'est le plus. C'est pas le 129, celui-là. Lequel ? Celui-là. Ah ben. Ça, c'est plus ancien encore, je crois. Ah non. Non, c'est les années 50. Ça, c'est les années 50. Moi, j'en avais. C'est pas celui de 1906, ça ? Ah ben, attendez, j'en ai un autre. C'est là qu'il y a les pas. Ah non, 25. Ah, 25. Édition de 1906, c'est exactement pareil. Ah oui. C'est celui-là qui a des pages roses avec de la grammaire et de la conjugaison. Celui-ci, 1929. Ah, c'est les expressions latines. Oui, c'est ça. C'était quelle couverture, alors ? Je ne me souviens plus, il ne l'a plus. Et vous avez oublié sa couleur. J'ai complètement oublié sa couleur. Il ne reste plus que des pages dans un état lamentable. Il comporte tout à la fois des mots de la langue, des noms propres, des cartes, des photos, des dessins, des locutions latines, des tableaux de conjugaison, toutes sortes de choses. Une boîte à outils pour la vie familiale. C'est une sorte de Bible, le Petit Larousse ? Ah, c'est plutôt un missel qu'une Bible. Avec une prière, sinon quotidienne, du moins régulière. Que j'ai dit que j'étais présidente de l'association Pierre Larousse. J'habitais à Toussy, la ville où est né Pierre Larousse. On m'a dit, ah non, mais c'était un homme. Lorsque nous feuilletons aujourd'hui le Petit Larousse, nous héritons certainement des idées de cet auteur qui fut si présent dans son œuvre. Mais nous retrouvons aussi notre enfance, nos butinages passés, notre manière de tourner les pages, comme nous voyons encore aujourd'hui un enfant se perdre et se laisser détourner de sa recherche première au fil des illustrations du Petit Larousse, la machine à rêver de Barthes, les mots de Cher et les gravures en personne de Sartre. Nous revoyons les couvertures, avec ou sans semeuse, ornées ou unies, ces couvertures qui, d'une édition à l'autre, nous disent notre âge, l'odeur de nos maisons, les couleurs de nos murs, les jeux des frères et sœurs. Et puis, ce petit dictionnaire est un lieu de mémoire bien singulier, en gestation permanente. Chaque année, il change un peu. Après chaque millésime, il contribue à se refabriquer, en accueillant de nouveaux mots, de nouveaux noms, de nouvelles locutions. Et c'est ainsi que dans sa ville natale, à Toussy, à la bibliothèque municipale, avec les membres de l'association Pierre Larousse, nous avons ouvert le Petit Larousse 1999, pour lire la définition d'une locution qui vient d'y entrer. C'est à la lettre M, au mot « mémoire ». Lieu de mémoire, donc site, monument, musée, vestige industriel, œuvre, objet apte à symboliser l'appartenance d'une collectivité à son passé, son patrimoine. Alors vous êtes d'accord pour dire que ce petit Larousse est un lieu de mémoire ? Ah bah tout à fait, oui. Moi je crois qu'il n'y a pas meilleure définition. Petit Larousse, alors, est né du dictionnaire complet. Il est né en 1905. Vous avez ici la première édition du Petit Larousse ? Ben, je dois avoir la deuxième, si j'arrive à la retrouver. Alain Ray, lexicographe. Bon, ça, c'est Petit Larousse illustré. C'est déjà, je pense... c'est 1906. Ouais. Je crois que c'est le plus ancien de ce que j'ai. Donc, voilà, il c'est a... C'est juste un an après la première parution. Oui, il a déjà, à l'époque, avec la semeuse style Art Nouveau, il a déjà l'apparence qu'il va garder jusqu'après la guerre de 40, donc avec une continuité, je ne sais pas s'il est admirable ou entêté, mais enfin, en tous les cas, elle est là. Donc, cette couverture, une espèce de rose saumon. Oui. Petit Larousse illustré. Une frise sur le dessus, et puis la semeuse. Est-ce que vous pouvez la décrire, cette semeuse ? Je crois qu'il est plus intéressant de dire que c'est un bel exemple d'Art Nouveau et de style nouille, genre Guimard, que de dire que c'est une jeune femme qui souffle sur une fleur de pissenlit, ce qui est vrai aussi. Ce qui est vrai aussi. Le pissenlit étant identifiable, pour ceux qui n'en connaissent pas la fleur, par deux feuilles qui évoquent indirectement la salade. Et les graines de pissenlit partant dans la nature avec des petites flèches là qui m'ont l'air, dirait-on aujourd'hui, de ressembler à des spermatozoïdes. Mais enfin, et le tout sur un fond de nuages bicolores, orangé et blanc, du meilleur effet. Je sème à tout vent. Alors, je sème à tout vent, qui est le slogan qui a continué pendant très longtemps et que Aristide Quillet, l'auteur de l'encyclopédie autodidactique, avait un peu plagié en appelant son dictionnaire bien moudre et pour tous, ce qui est aussi les deux étant de bons exemples de la mentalité pédagogique Troisième République, donc dissémination au sens propre du savoir pour le plus grand nombre. Au propre. 1. Babille, battement, borborygme, bourdonnement, brasillement, bondissement, bruissement, chanson, chant, chuintement, clameur, clapotage, clapotement, clapotis, clapement, claque et claquement, cliquetis, coup, craquement, craquettement, crépitation, crépitement, cri, cri, aïri, crissement, croule, croulement, décrépitation, déformation, détonation, écho, éclat, éclatement, explosion. En tout cas, c'est cette semeuse qui a erré dans les imaginaires pendant des années, des années. Oui, certainement. Quand on pense la rousse, on pense la semeuse. On pense la semeuse et on pense aux planches illustrées. La fameuse planche, t'es belle comme la planche des avions du Petit Larousse. C'est une locution que je trouve très jolie. Alors, j'ouvre. Ah, voilà. Alors, on a toujours ces. Alors, il y a toujours des lettrines frontispice qui sont inspirées en plus simple de celles du Grand Dictionnaire Universel et qui visent à la fois un symbolisme très 19e siècle avec des aspects franchement décoratifs, des volutes avec des oiseaux, etc. et quelques allusions à la modernité, modernité historique, car je vois un arabe muni d'un long fusil et qui me paraît descendre tout droit d'Abdelkader, et une voiture automobile, ce qui évidemment signe le côté à jour, le côté moderne de l'ouvrage. Et qu'est-ce qu'on a, un arrosoir, un âne ? Oui, alors l'antilope, ça, c'est l'arrosoir, c'est la familiarité, c'est les leçons de choses, c'est tout le côté enseignement primaire. Et puis avec le côté ludique sous la forme d'un arlequin. Enfin, c'est assez intéressant à décrypter comme choix. Parce que, je vous dis, ça va de l'imaginaire exotique prétexte à du décoratif, à des allusions à l'histoire contemporaine, avec un brin de colonialisme, mais tout de même là un petit peu renversé, puisque c'est un, apparemment un insurgé qu'on voit sur l'image, et puis avec des objets de la vie quotidienne, et puis on fait bien attention de ne pas déplaire à certaines catégories sociales, puisqu'on a un arrosoir qui évoque la vie à la campagne, avec un superbe champignon qui doit probablement avoir poussé sous la pomme d'arrosoir, comme le savoir va pousser sous le souffle de la semeuse chez les enfants, et puis une encre de marine qui est là pour ne pas oublier les marins d'eau. Hurlement, murmure, musique, onomatopée, pépillage, pépiment, pétarade, pépillement, râlement, ramage, ronflement, ronron, ronronnement, roulement, rumeur, sifflement, son, souffle, soupir, stridulation, susurrement, tapement, tintement, ululation, ululement, vachissement, vocifération, voix, brombissement. Voilà le dictionnaire. Ah, oh là là, je reconnais cette couleur-là. Hein. Luc Simon, ah, peintre. Oui. Ça, c'est la couleur usée. Maintenant, on imagine qu'il était rouge. Ben non, il était rose. Il était rose, rose, vieille, vieille peau de rue de dictionnaire. Alors, je regarde s'il y a... Ah, il y a ça. De mon temps, il n'y avait pas encore les reproductions couleurs pour les animaux, pour les planches. Mais c'était tout à fait étonnant parce que c'était fait comme des gravures du 19e. Et alors, ah ça aussi, ça c'était un progrès. Là, vous avez la production de M. Courbet. C'était pas imaginable de mon temps, ça. Mais alors... Quoi, la peinture ? La peinture, oui. Il y avait des reproductions de tableaux d'Ingres ou David ou le couronnement de Napoléon, peut-être, des choses comme ça. Mais il y avait quelque chose que je n'avais... Si, il y a les pages roses. Alors, je vais vous dire d'abord les choses qui m'étaient importantes quand je vois ça. Voilà, voilà. C'était les petits dessins de fleurs ou les petits dessins d'animaux, de machines. Et c'était très près de Jules Verne, au fond. Parce qu'il y avait, dans l'imaginaire de l'enfance, il y avait un détail mécanique comme ça qui faisait penser, moi, au capitaine Nemo, au Nautilus. Mais alors, les fleurs, c'est encore une autre chose plus importante, parce que dans Rimbaud, il y a un florilège avec des noms extraordinaires qu'il allait chercher lui-même dans le dictionnaire. J'y suis après ça. Moitié latin d'origine, moitié de... Et le mystère de Rimbaud était aussi en grande partie à cause de cette végétation qui découvrait entre Charleville et ce qu'il appelait le chemin du tabac. Et alors il s'envolait avec l'aube, etc. C'était un délire très construit, comme ce qu'il a fait dès le début, avec des noms de fleurs impossibles. Rimbaud, Arthur, Charleville, 1854, Marseille, 1891. Poète français, génie précoce, il vient à Paris à l'âge de 17 ans, porteur, avec le bateau ivre, de l'idée selon laquelle la poésie naît d'une alchimie du verbe et des sens. Sa liaison orageuse avec Verlaine se termine par une scène violente. Blessé d'un coup de revolver, Rimbaud compose, sous le choc, les poèmes en prose d'une saison en enfer, 1873, où il exprime ses délires. À 20 ans, il cesse quasiment toute activité d'écrivain. Il mène alors une existence errante, soldat, puis déserteur. Pascal Horry, lorsque l'on passe d'un nom propre à un nom commun, est-ce que c'est à ce moment-là qu'on peut parler de lieu de mémoire ? Lorsque du nom de Pierre Larousse, on passe à l'objet Petit Larousse, que s'est-il passé ? Il s'est passé une réussite commerciale, c'est certain, que Pierre Larousse, le fondateur, avait construite de ses mains, puisque à sa mort, au début de la Troisième République, qu'il avait tellement attendu de ses voeux, il laissait quand même plusieurs grands et petits dictionnaires, car il avait déjà lancé des petits dictionnaires, en particulier le nouveau dictionnaire de langue française, qui est l'ancêtre direct du petit Larousse. Mais c'est aussi une réussite politique, parce que Larousse avait un projet pédagogique. C'était quand même un ancien instituteur qui avait été obligé de se reconvertir dans l'édition et la pédagogie. Et c'est vrai que dès son vivant, on commence à parler du dictionnaire Larousse. On dira progressivement le Larousse, surtout quand le nom de Larousse sera avancé par ses successeurs. Parce que lui, tout en étant omniprésent, était quand même modeste, donc il n'appelait pas ses dictionnaires des dictionnaires Larousse. Il les appelait en effet « Nouveau dictionnaire de langue française »,« Grand dictionnaire universel du XIXe siècle ». Et ce sont ses successeurs qui ont vraiment construit presque un mythe de Larousse en mettant le nom de Larousse en tête de certains des dictionnaires, pas de tous d'ailleurs. Et ce Larousse, ce petit Larousse, donc, comment est-ce qu'on peut dire qu'il a succédé à ce grand Larousse? Que s'est-il passé entre le grand et le petit? Il s'est passé d'abord, effectivement, le succès du grand, le grand dictionnaire universel du XIXe siècle, dont il faut reconnaître que c'est un ouvrage fabuleux, dont je recommande la lecture, bien qu'elle soit accablante, parce qu'il fait presque 500 millions de signes, et que c'est imprimé très petit, mais il y a des reprints, et on entre là-dedans comme dans Les Misérables de Victor Hugo. D'ailleurs, le parallèle de Pierre Larousse-Victor Hugo fonctionne très bien. Ce sont des gens excessifs, lyriques, militants. Pierre Larousse dans une sorte d'extrême-gauche très particulière. Bon, c'est un dictionnaire inclassable qui a provoqué beaucoup d'irritation chez ses contemporains, évidemment, parce que c'était aussi un brûlot contre le Second Empire, contre l'Église établie, contre les jésuites, contre Jeanne d'Arc, contre les rois, etc. Mais à côté de ça, Pierre Larousse avait construit une réussite pédagogique incontestable qui était déjà un petit dictionnaire de langue. Le nouveau dictionnaire de langue française qui a eu un tel succès qu'il a été vendu en une cinquantaine d'années à plus de 5 millions d'exemplaires, ce qui est quand même pas mal pour l'époque. On a même retrouvé, semble-t-il, un exemplaire de l'impératrice Eugénie qui témoignait de ce qu'il avait été longuement feuilleté. Donc la femme qu'il détestait prodigieusement, la femme de l'empereur que par ailleurs il détestait aussi prodigieusement, utilisait quand même ce qu'on appelait pas encore le petit Larousse, mais qui était un petit Larousse. C'est-à-dire qu'en tant que petit dictionnaire portatif de langue, Larousse avait déjà gagné son pari dans les années 1850. 1860, avant de se lancer dans une deuxième entreprise beaucoup plus folle, qui était le Grand Dictionnaire Universel. Et à l'occasion du premier petit Larousse, qui ne s'appelait pas ainsi encore, donc, il avait aussi inventé les pages roses, qui sont restées. Aperto libro, à livre ouvert. Argumentum baculinum, argument du bâton. Ars longa, vita brevis. Asinus asinum fricat, lan frotlan. Audaces fortuna juvat. Auri sacra fames. On s'en servait beaucoup. On s'en servait beaucoup. C'était le dictionnaire. Moi, je n'ai pas souvenir. Comment? Un par étude. Moi, j'avais mon dictionnaire dans mon sac. Oui. Écoutez, à l'école primaire, moi, je me souviens, quand j'étais gosse, en quittant l'école primaire, on avait un dictionnaire Larousse offert par le conseil municipal. Ah oui. Et beaucoup d'écoles primaires offraient le petit Larousse comme cadeau de certificat d'études. Vous étiez ici à Toussy? J'étais à Perreux, c'était dans le canton de Charny, pas loin d'ici. Nous étions quatre frères et sœurs à la maison. Mais c'est vous qui étiez instituteur, monsieur. Oui, mais enfin, quand j'étais petit, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, à l'âge de 12 ou 13 ans, je ne sais plus à quel âge vous passez le certificat, 12 ans. 12 ans. Nous avons encore tous notre dictionnaire Larousse, datant de l'époque où on passait le certificat d'études, avec, sur la première page, coller la petite étiquette que remplissait l'instituteur, prix de certificat d'études décerné à l'élève à telle date. Voilà. Et comment vous vous en serviez du petit Larousse quand vous étiez enfant? Écoutez, j'en ai donc un congrès comme ça. Le mien, je ne sais plus ce qu'il est devenu, mais celui de ma tante. Je le mets entre vos mains. Pas jeune. Comment je m'en sers? Comment vous vous en serviez quand vous étiez enfant, oui? Eh bien, disons que je regardais beaucoup les images. Ah. Oui, mais enfin, bien vite, l'orthographe, bien sûr. Puis les pages roses. Les pages. Ça m'intriguait, les pages roses. Les images, on disait les pages roses, les planches en couleur. Quelques planches en couleur, avec les drapeaux. Les drapeaux. On reproduisait. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Les plantes médicinales, les médailles. Et ces planches-là, c'était un petit peu la merveille, parce qu'à l'époque, la couleur, c'était rare. Dans les illuminations, il y a des quantités d'allégories sur les plantes. Et alors les plantes avec, par exemple, si je vous dis héliotrope, ou si je vous dis donc comme ça, est-ce qu'on le trouverait? J'en sais rien. Je le cherchais dans... héliotrope. Alors. Ah, c'est formidable, les petites illustrations. L-M-L-L-O-H. Oh, regardez ce dessin de cheval. Justement, je poursuivais le Larousse pour tout ce qui avait trait à la chevalerie. Parce que harnais, étriers, tout ça était désigné. Et moi, c'était les chevaliers qui marchaient avec leurs chevaux. Ah oui, il est beau celui-là. Beau, hein. Alors c'est plein de plein, définitions. Parce que là, vous c'est-à-dire avez, on décrit qu'est-ce et que le cheval. Qu'un panurge, qu'est-ce que c'est que les fausses reines, qu'est-ce que c'est que les têtières, qu'est-ce que c'est que l'abri. Tout ça, c'est marqué avec une précision de médecin. Il y a un côté Bible interdite. Parce qu'il y avait aussi des mots qui étaient des choses. Par exemple, je me rappelle, à cause de ça, un jour, on était obligé de se confesser, tous les 10 jours, je crois. Alors je vais me confesser, je ne sais pas quoi dire. Puis il y avait un gros curé derrière la grille, comme ça, qui sentait mauvais, ou alors les pastilles de menthe qui mangeaient ça. Et alors j'ai dit, qu'est-ce que je vais lui dire? Alors on nous avait donné, dans la chapelle, il y avait un petit livre sur la liste des péchés. Alors j'ai regardé, je trouvais qu'il y a un mot qui était très joli, c'est adultère. Et j'ai lu que je voulais, j'avais péché par adultère. Et le curé, j'ai senti quand même un glissement assez jouissif derrière, c'est arrivé. Et il me dit, alors il m'a dit par attouchement. Alors attouchement, non plus, je sais pas très bien ce que voulait dire. Je vais avoir 10 ans, 9 ans. Et puis après, il me dit sur les parties hautes ou les parties basses. Alors ça devenait complètement fabuleux, hein, le bon adultère. Et alors là, dans le Petit Larousse, je me suis précipité. Mais nous, c'était presque interdit à cet âge-là de regarder le Petit Larousse, parce que justement, il y avait des gros mots, comme il disait. Alors, héliotrope. Alors, héliotrope. Bon, puis après... Alors, regardez, ça, c'est fantastique, ça. Les hauteurs. Alors là, il y a de quoi faire rêver, hein. C'est toute une page en noir et blanc. En noir et blanc, avec des quantités de montagnes, mais c'est dessiné comme on y fait un fond de mer, et il y a des petits nuages, puis on dirait même qu'il y a des petits ballons, là, ou un avion. Et alors, bon, il y a de quoi rêver, hein. Alors, en plus, avec tous les bâtiments, la hauteur des bâtiments. Il y a une fusée. Alors, on est en 52, hein, ça c'est oui, oui, alors héliotrope, mais là, bon, celui-là, il était déjà, attendez, héliotrope, non. On va y arriver, là. H.E. H.E. Hébrard, Jean, inspecteur général à l'éducation nationale. Une entrée de Petit Larousse, ça dit tout en quelques mots, d'une manière relativement neutre. Hein, même s'il reste quelques scories du maître. De manière relativement neutre, dans un lexique à la portée du lecteur, c'est-à-dire qu'on est dans peut-être un des premiers dictionnaires dans lesquels les définitions ne sont pas plus complexes que les mots définis. Et c'est déjà un énorme progrès en lexicographie. Pascal Horry, historien. Il était quand même, pour toutes ces entreprises, aidé par des lexicographes. Lui-même avait une culture universelle, mais assez inégale, qui frôlait quand même l'autodidacte parfois. Donc, pour le nouveau dictionnaire de langue française, comme bien sûr pour le grand dictionnaire universel, qui était une gigantesque entreprise, il a été beaucoup aidé. Mais c'était pas très difficile de repérer les citations les plus courantes. Hein. Il y avait quand même quelques dictionnaires qui préparaient le terrain. L'intérêt chez Larousse, c'est qu'il voulait donner ça au plus large public. Nous sommes quand même au début de l'édition populaire. Hein. C'est un contemporain, c'est une sorte de cousin de Hachette aussi. Nous sommes à la veille des lois Jules Ferry. Et de toute façon, il y a déjà les lois Guizot, c'est-à-dire l'obligation d'ouvrir une école primaire de garçons dans chaque village. On commence à voir apparaître aussi des écoles primaires de filles. Donc ce n'est pas encore l'obligation scolaire, mais c'est l'obligation de la prise en charge par toutes les collectivités territoriales françaises de l'enseignement, qui n'est pas tout à fait gratuit, mais qui est en train de le devenir. Donc on sent bien qu'on est en train de basculer sur ce plan-là. Et Larousse, comme Hachette, comme quelques autres, sont là au bon moment. L'école de la Troisième République qui commence au Second Empire, en fait. Hein, je crois qu'on peut considérer que, du point de vue pédagogique, l'école de la Troisième République commence avec le ministère de Victor Duruy pendant le Second Empire libéral. Bon. Cette école-là, qui commence donc dans les années 1865 et qui se termine avec la Deuxième Guerre mondiale, c'est une école qui est fondamentalement une école encyclopédique. D'ailleurs, cette école primaire, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas du tout l'école du lire, écrire, compter. Elle est une école qui s'ouvre sur tous les savoirs. Hein, le trait de génie de Jules Ferry, c'est d'avoir généralisé le mode de fonctionnement des écoles parisiennes de la fin du Second Empire et d'en avoir fait le modèle général pour toute la France. Et cette école-là, c'est une école qui enseigne l'histoire, la géographie, les sciences, l'hygiène, l'agriculture. Bref, c'est une école qui ne se contente surtout pas d'apprendre à lire, écrire et compter, comme on lui fait dire aujourd'hui. Et donc, le petit Larousse, du coup, devient en quelque sorte le résumé de tous ces savoirs. L'espagnol, là, aussi. Oui, non. En écrivait l'encre violette. Oui, en écrivait l'encre violette. C'est la trace des... Il y a des traces, oui. Il y a eu un trèfle tout à l'heure, je ne sais pas dans lequel. Mais on en mettait souvent séché, c'est vrai, ça, c'est vrai. C'était des pensées aussi, non? Oui, pensées, trèfles. Ah, plutôt les trèfles. On en a un. On en a un où l'élève, le propriétaire, s'est amusé à reproduire la tête de Larousse. Il n'avait pas de transparence. Il lui a mis des lunettes. Oui, de 1907. Et ça, ça, il a été utilisé pour faire des... Les cours de sciences. Il a décalqué par-dessus. Oui. Voilà. On passait dessus, puis après, on frottait pour que ça apparaisse, la mine de crayon. Je suis sûr qu'il a frotté assez souvent. Et on passait ça au crayon, la mine de crayon, on mettait la feuille blanche, puis après on faisait ça. On frottait dessus pour que ça imprime. Ça décalquait. D'ailleurs, elle a servi parce qu'elle est détachée. Oui. C'était plus facile. C'est un squelette qui a beaucoup servi. De toute façon, comme disait Larousse, hein, un dictionnaire sans exemple est un squelette. Sans os. Voilà, c'est un squelette. Donc, si vous commencez à fréquenter Pierre Larousse, vous savez que Pierre Larousse reste un esprit singulier. C'est pas un esprit républicain et laïque au sens de Jules Ferry. Hein. C'est un esprit qui conçoit la constitution du savoir comme le travail un peu personnel, autodidacte, d'individus qui s'ouvrent aux lumières du monde, plutôt que comme ce que pensait Jules Ferry, comme la transmission des savoirs de savants, hein, des connaissances des élites, travaillées, préparées et transmises au peuple. C'est le modèle qui consiste très souvent d'une manière autodidacte à constituer des cathédrales de savoir. Une cathédrale de savoir constituée pendant des années et des années et qu'il est à la disposition de ceux qui feront la même démarche de manière autodidacte et qui entreront dans cette cathédrale. Le petit Larousse, je dirais, d'une certaine manière, est un peu boudé par le maître aujourd'hui. Pourquoi ? Précisément par ce qui en faisait sa qualité, c'est-à-dire il n'est pas un dictionnaire de langue. Et comme aujourd'hui nous sommes dans une conception de l'école que pour ma part je trouve absurde, et qui est une conception, je dirais, instrumentale de l'école, hein, c'est-à-dire qui a réduit l'école à l'apprentissage des instruments du lire, écrire et du compter, et qui se plaint année après année que les enfants ne sachent ni lire, ni écrire, ni compter. Évidemment, on ne leur apprend plus ce qui fait que l'écriture, la lecture, le savoir compter ont un sens, c'est-à-dire les savoirs. Donc le petit Larousse, d'une certaine manière, a aujourd'hui moins d'usage. Dans une pédagogie qui est centrée sur le lire, écrire, compter, et non plus sur les savoirs encyclopédiques, le petit Larousse est devenu un instrument archaïque. Et on lui préfère des dictionnaires qui sont véritablement des dictionnaires de langue, c'est-à-dire qui permettent à l'enfant, face à n'importe quel texte, en gros, de comprendre le sens littéral du texte, mais non pas de construire des savoirs. Hélio ? Le voilà. Hélio, ah ben oui ! Héliotrope, alors, il y a dedans, il y a tourné aussi, genre de Borragni et Jarré, alors je ne sais pas si je peux comprendre ça moi, généralement intertropical, et dont quelques espèces habitent les pays tempérés, voilà. On donne aussi ce nom à toutes les plantes dont la fleur se tourne vers le soleil, comme le tournesol, voilà, c'est l'assentiment des hausses héliotropes. Il y a l'illustration. Voilà, l'illustration. En noir et blanc. Ah oui, c'est toujours étonnant parce qu'on peut se perdre dedans. C'est fait très minutieusement. Et après, j'ai détesté que dans les dictionnaires, c'est fait comme un dessin, comme ça, pour faire moderne. C'est ce que ça fait pas moderne, mais ça fait toujours rêver. Oui, ben moi, je me souviens d'un dictionnaire comme ça, à la maison. Mon père était ouvrier, il n'y avait pas de livre, hein, mais il y avait le dictionnaire. Et le dictionnaire, on le consultait, mais pas très souvent. Et c'était un livre précieux. Et quand j'ai commencé à faire mes études, comme on disait, hein, partir pour les écoles, eh bien, on m'a confié le dictionnaire. Et le dictionnaire, il s'est promené dans un cartable d'interne. J'aime autant vous dire que quand il est revenu, il était dans un triste état. Et ça a été le désespoir de mon père. C'était exactement celui-ci. Oui, c'était un dictionnaire comme ça. Mais oui. mon grand-père, moi, il l'avait sur la table de la cuisine. Pareil, mon grand-père vivait, mes grands-parents vivaient à la campagne. C'était pas des gens non plus très très modestes. Mon grand-père travaillait dans une scierie. Et il y avait le petit Larousse sur la table, celui-ci, avec le catalogue du chasseur français à côté. Et il lisait page par page, hein, le petit Larousse de A jusqu'à Z. Enfin, comme il dirait la Bible. Comme on aurait lu n'importe quel autre livre. Et ça, je m'en souviens quand j'étais gamine, ça m'avait vraiment marqué. Et il l'a lu à peu près jusqu'à ce que mon père lui offre la télévision. Ce jour-là, le petit dictionnaire, il est resté fermé. Mais quand même, les jours de pluie, il rouvrait le petit dictionnaire. Il feuilletait le petit dictionnaire les jours de pluie, parce qu'à la télévision, je suppose qu'à cette époque-là, les émissions n'étaient pas toute la journée, c'était surtout le soir. Donc dans la journée, il rouvrait le petit Larousse. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, L, L, L, M, N, O, P, L, L, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z. Alain Ray. En tant que lieu de mémoire, l'histoire du Petit Larousse, illustrée à partir d'une certaine date, court sur, en incluant le dictionnaire complet de Pierre Larousse, un siècle et demi, ce qui est considérable pour un même dictionnaire, avec des intentions qui certes ont varié et se sont développées au cours du temps, mais avec tout de même, dans l'ensemble, la même philosophie de la description de la langue française. On a donc là un champ d'observation exceptionnellement long pour la même entreprise, qui correspond à l'évolution des mots, mais naturellement aussi, et à travers eux, à l'évolution des mentalités et des idéologies dans la communauté française pendant ces 150 ans qui séparent 1850 de la fin du millénaire actuel. Et là, les entrées de mots et les sorties de mots, à condition de bien faire le départ entre ce qui est méthodologique ou éditorial et ce qui est nécessité par l'actualité du langage, donne une représentation en continu, relativement fidèle, des besoins d'expression et de communication dans la société. Je trouve que c'est assez intéressant d'avoir le même type de texte avec une évolution annuelle, plus des mutations périodiques, tous les 10 ans ou tous les 15 ans, avec une refonte. Mais c'est presque plus intéressant quand il n'y a pas de refonte, parce que là, le projet est le même, et que les entrées et les sorties de mots correspondent, surtout les entrées, à des nécessités d'expression, donc à la surgie quand on ajoute le email, par exemple, que ce soit dans le Petit Larousse avec sa forme francisée qui n'est pas utilisée d'ailleurs, ou que ce soit sous sa forme anglaise, mais qui est utilisée, tel qu'on l'a introduit dans le Petit Robert, en s'en excusant auprès des gens qui détestent les anglicismes, mais ce email est un témoin, parmi d'autres, bien sûr, avec Internet, de l'arrivée de techniques nouvelles, mais de techniques qui ne sont pas des techniques pour le petit nombre, parce que immédiatement, comme le téléphone portable à l'adjectif portable, c'est l'ajout d'un phénomène de société qui est extrêmement récent. Et l'amour, par exemple, la définition de l'amour entre 1913 et 99? Eh bien, la définition de l'amour, je ne la connais pas par cœur. Il faut que je cherche ici. Dans l'édition de 1913. Ici, c'est l'édition de 1913, mais nous pourrons vous montrer d'autres éditions et nous vérifierons si ça y est. Alors, ce qui est intéressant, c'est pas tant la définition de l'amour, parce que ma foi, l'amour était défini comme le sentiment par lequel le cœur se porte vers ce qui lui plaît fortement et en désire la possession. Je n'ai rien à dire. Mais les exemples, ensuite, Amour de la patrie, virgule, de la vertu, point. Et en 99 ? Et en 99, comment définit-on l'amour ? Eh bien, je vais vous dire, je ne pense pas que l'amour ait beaucoup bougé, mais c'est peut-être la façon d'en parler qui a bougé. Eh bien, l'amour est un sentiment très intense, attachement englobant la tendresse et l'attirance physique entre deux personnes. Entre deux personnes. Donc en 1913, un an avant la guerre de 14, on pouvait aimer sa patrie. Aujourd'hui, on peut simplement aimer une autre personne, d'après ce que je lis. Et les exemples, éprouver de l'amour pour quelqu'un, c'est une belle histoire d'amour, suivie très vite par l'expression « faire l'amour », avoir des relations sexuelles avec un, une partenaire. Voilà. Michel Legrain, directeur éditorial chez Larousse. Le petit Larousse est d'abord un miroir de ce que nous sommes, ou plutôt de la façon dont nous nous représentons et nous représentons le monde. C'est un miroir. Donc, le petit Larousse, le premier qui a été publié en 1905, est un miroir, où avait la volonté d'être un miroir de notre culture en 1905. Et le petit Larousse, 1999, porte la mémoire collective, mais se doit, s'il est bon, s'il est bien fait, comme ses prédécesseurs, d'être le miroir de nos rêves, de nos craintes, de notre façon de dire le monde, de le lire, ou de ne pas le dire, parce que nous gérons tout à la fois les stéréotypes, les vérités et les mensonges. C'est le travail des lexicographes et des encyclopédistes qui le font, et notamment dans la partie langue, ce qu'on appelle les noms communs, bien qu'il n'y ait pas que des noms, il y a aussi des adjectifs, des adverbes, eh bien c'est le travail que nous faisons d'observation de l'usage. Nous lisons les journaux tous les jours et nous notons ce qui nous paraît que nouveau ou étrange, ce que nous ne connaissons pas, c'est-à-dire des milliers et des milliers de mots et d'expressions, et nous n'en entrons par an qu'entre 50 et 100. Mais les façons de dire sont aussi un miroir de notre façon d'être et de penser. Donc nous faisons un tri parce que nous partageons une subjectivité, des goûts, donc nous avons le droit de choisir et de trier. Mais ensuite, nous relevons ce qui nous paraît le plus symbolique ou symptomatique d'une évolution des mœurs, de la culture et de la langue pour le dire. Oui. Mais il n'y a pas que les mots de la langue, il y a les noms propres. Et il y a une différence peut-être, en termes de lieu de mémoire, entre ce qui se faisait au début du siècle et ce qui se fait maintenant. Pierre Larousse avait un courage, parfois, qui était le courage de prendre parti. Et dans le petit Larousse, 1913, c'est intéressant parce qu'on est avant la guerre de 14, j'ai sous les yeux l'article Alsace-Lorraine. Eh bien, je lis « province » ou exactement « terre d'empire de l'Empire allemand ». Et plus bas, « le régime oppressif auquel sont soumis ses habitants depuis 1871 n'a pu rompre les liens d'affection qui les unissent à la France ». Je ne sais pas, je ne suis pas sûr qu'en 1998, on ait le courage, ou qu'on nous suivrait, qu'on ait le courage de prendre des partis pour des problèmes de ce type-là, alors que nous savons très bien que dans le monde, il y a des zones où les hommes se déchirent, et nous ne prenons pas parti. Nous avons reçu des demandes de Libanais pour que la zone du Sud-Liban ne s'appelle plus zone de sécurité, mais zone d'occupation. Eh bien, il ne nous appartient pas de trancher dans un conflit de ce type, mais c'est un problème qui déchire des communautés. Et nous n'avons peut-être pas les prises de position qu'a pris Pierre Larousse dans les années 1870. Voilà peut-être un petit changement dans la gestion du patrimoine, non pas des faits, mais de la lecture des faits et de leur interprétation. Mais il faut dire qu'en 1913, la France était peut-être très sensible encore au problème de l'Alsace-Lorraine, qui dans les atlas de cette époque-là, quand l'Allemagne, je crois, était représentée en gris et la France en bleu, était représenté dans un gris bleu très ambigu, parce qu'on avait l'espoir de reconquérir les provinces perdues. À Toussy dans l'Yonne, les instituteurs. Instituteurs-trices. Jusque-là, on est d'accord. Qui fonde, qui établit. Personne chargée d'instruire un ou plusieurs enfants. Qui tient une école. Les termes instituteurs et institutrices ont remplacé vers 1792 l'ancienne dénomination de maître et de maîtresse d'école. Eh bien, qu'on a prononcé longtemps après encore. Oh oui. Oh oui. L'ancienne dénomination, oh ben je ne croyais pas que c'était si vieux que ça, parce qu'on a dit maître et maîtresse longtemps. Ah oui. Hein? Moi, je me rappelle mon premier poste, c'était un poste d'adjointe. Ma grand-mère m'a dit, tu es sous-maîtresse. Ah oui. Oui. La définition que vous venez de lire, donc, c'est l'édition de quelle année? 25. Alors l'édition 99, instituteur, institutrice, enfin instituteur, trice, comme tout comme pour vous, personne chargée de l'enseignement du premier degré. Depuis 1991, les instituteurs formés dans les anciennes écoles normales sont progressivement remplacés par les professeurs des écoles formés dans les IUFM, abréviation familière, instit ou insti. Oui, ça s'arrête là. Pascal Horry. L'avantage du petit par rapport aux différents grands, c'est que la règle en était assez rapidement le renouvellement. Elle n'est pas absolue au départ, et puis il s'établit progressivement l'idée qu'il y aura une édition quasi annuelle, et puis finalement annuelle du petit Larousse, avec ce rite qui sera très intelligemment géré ces dernières années par les éditions Larousse, de l'entrée des termes nouveaux dans le Petit Larousse. Il faut reconnaître que l'on fournit à l'avance aux journalistes la liste des nouvelles entrées. Je ne suis pas sûr qu'on fournisse toujours les sorties, ce qui serait tout aussi intéressant, en fait, parce que bien entendu, s'il y a des entrées, c'est qu'il y a aussi, sinon le même nombre, du moins un nombre non négligeable de sorties. Et c'est un gros travail que de se lancer dans l'analyse de cette sorte de garde montante croisant la garde descendante. Mais je me rappelle avoir travaillé quelques années sur les entrées du Petit Larousse dans les années 68-75, au lendemain de mai 68. C'était tout à fait impressionnant de voir comment apparaissaient des termes très liés, par exemple, au mouvement de mai. En 3 ou 4 ans, le Petit Larousse enregistrait ces entrées-là. Et ces termes-là, avez-vous vérifié s'ils sont toujours dans le Petit Larousse 99? Je ne l'ai pas vérifié, mais il n'y a pas... Il y a des mots comme quoi, par exemple? Hippie aussi, hippie, beatnik, etc., arrivaient assez rapidement. Puis il y a même des termes plus dérivés, marijuana, LSD. Bon, c'est tout à fait intéressant de voir l'année où ces termes apparaissaient. Deux, familier. Bacchanal, bagarre, barouf, bastringue, bazar, bordel, boucan, bousin, brouhaha, cacophonie, carillon, cassement de tête, chabanet, chahut, chamaille, chamaillerie, charivari, corrida, esclandre, foin, grabu, jourvari, huée, pétard, potin, rafu, randam, sabache, roux. Je suppose que la plupart des pays, en tous les cas d'Europe occidentale, ont leur dictionnaire de référence, mais le Petit Larousse, par le passé de son fondateur, qui était quand même un républicain de la veille et non pas du lendemain, et ce qui pouvait vaguement rester ensuite dans les versions du XXe siècle, beaucoup plus sages, c'est certain. Aussi par l'importance que ce pays donne à l'école et à un apprentissage dit primaire, donc élémentaire, je crois que le dictionnaire a certainement été investi en France d'une importance toute particulière. S'y ajoute le rôle que la France a donné depuis longtemps à la langue comme facteur central d'unité nationale, et à la référence à un texte central qui est le dictionnaire de l'Académie. Donc nous sommes un pays de gendarmerie littéraire record. Il n'y a aucun autre pays là au monde qui a connu une telle organisation politique de la langue depuis au moins Richelieu, sans remonter plus haut. Et c'est vrai que l'Académie française avait été créée pour fournir à la France le dictionnaire, d'ailleurs seul autorisé, de référence, la grammaire de référence, d'ailleurs l'Académie française a produit une grammaire une seule fois, et même le manuel de rhétorique de référence, mais ça, l'Académie française n'a jamais pu le composer. Et je pense qu'il en est resté quelque chose, même à l'époque de la concurrence libérale, puisqu'on sait bien que l'exclusivité donnée au dictionnaire d'académie, ça n'a pas tenu. Furetière a commencé à ruer dans les brancards, etc. Au XIXe siècle, nous sommes à l'apogée de l'ère libérale. Chacun, à la limite, peut sortir son dictionnaire. Mais il n'en reste pas moins que les Français ont besoin d'un texte de référence, d'où l'importance du littré aujourd'hui. C'est presque extraordinaire d'imaginer qu'aujourd'hui encore, on va se référer au littré dictionnaire du XIXe siècle comme à une Bible, ou l'importance du grévis, le bon usage. Bon, nous sommes dans un pays où la langue est vraiment un ciment. Et on imagine que si on veut prendre une situation complètement opposée, il y a les États-Unis, pays d'immigrants, où le fait de martyriser la pauvre langue anglaise va de soi, puisque tout le monde a un accent à couper au couteau et que c'est pas le problème. Bon, à chacun sa culture politique. La culture politique française s'est fondée sur une structure langagière, je ne dis pas rigide, mais en tous les cas centrale, hors de laquelle il n'y avait pas de salut. Alors je pense que même le petit Larousse, qui n'avait aucun caractère officiel, a conservé quelque chose de ça. Ça a été un petit peu notre dictionnaire de l'académie officieux pour la partie langue. 2. Du pas d'un cheval, battu. 3. Onomatopée. Aïe, aou, bang, bé, bim, boum, brr, clac, clic, cocorico, code, code, codec, coin, coin, quick, crac, crin, crin, crr, ding, dong, drelin, drelin, zim, boum, boum, flac, flic, floc, froufrou, joum, glouglou, ian, me, miaou, wawa, paf, pan, patapouf, patatra, pif, ping, ploum, pouf, poum, splash, tac, tam, tam, tic, tic, tac, tic, vent, zim. Est-ce que vous diriez encore aujourd'hui, comme vous l'avez écrit à propos du petit Larousse, que c'était une Bible fragmentée du savoir laïque? Alain Rey. Oui, je pense que Bible, parce que c'est un ouvrage de référence reconnu comme tel, donc qualité, référence scolaire, ce qui... Et puis alors Bible aussi, par l'importance des tirages, qui est que les dictionnaires généraux pour grand public, pas seulement le Larousse, sont avec la Bible les très grands tirages dans l'histoire du livre de l'humanité, fragmentés parce que c'est une technique nécessaire, sinon on a affaire à une encyclopédie raisonnée, systématique, qui n'aura jamais le même impact sur le grand public parce qu'on ne peut pas la consulter de la même façon et qu'il faut se plonger dans le savoir. Donc c'est une autre façon de procéder qui est souvent plus profonde mais qui est plus difficile à manipuler. Et puis de savoir laïque, parce que la laïcité est le concept dominant à partir de 1880 pour la transmission du savoir. Mais je prends laïcité dans un sens très très large, qui veut dire une sorte de neutralité dans la transmission des connaissances, qui fait que les attitudes religieuses, les passions, etc., ont leur place, mais dans la vie privée et pas dans la mise en forme d'une certaine intention de vie publique qu'est l'école. Classique, c'était le Larousse. D'ailleurs, ça s'est devenu un nom. Moi, j'ai connu toutes les maisons de la campagne, là où je vivais. Eh bien, il y avait, c'est sûr, un livre, le dictionnaire. Il y avait au moins un livre, c'était le dictionnaire. Et puis, comme œuvre d'art, il y avait l'Almanach des PTT. Hein? C'est vrai. Ou le chasseur français. Le chasseur français. C'était en fait une somme, tout était dans le Larousse. À une époque où les gens ne sortaient pas, où on commençait à aller à Paris à 20 ans et encore quand on avait de la chance, le Larousse représentait en fait la somme des connaissances, hein, la somme des connaissances qu'il y avait au monde. Et voilà, on l'utilisait comme ça, comme une découverte du monde. C'était ça, quoi. Ça, c'est sûr qu'on n'était pas gâtés comme aujourd'hui. Hein. Les musées, c'était encore... Les musées, disons, il n'y avait rien. On n'y allait pas, on n'y entrait pas. C'était le musée 19e, disons, où tout était entassé, où les tableaux étaient mis les uns au-dessous des autres. Donc, on n'était pas tenté. Il n'y avait aucune explication, pas de pédagogie du tout, de sorte qu'on n'avait pas de culture d'art. Et ce qu'on trouvait un petit peu, bah, c'était... Non, ou de la naissance. Mais c'est un petit peu amusé, la façon dont s'est présentée cette page, là où il y a des... Des peintures, des tableaux, ils sont justement oui. empilés, comme voilà. Vous dites, à la façon 19e. Sans non plus beaucoup d'explications sur les tableaux. Ah, bien sûr. Moi, je me souviens qu'à l'école où j'étais, à Perreux, il y avait deux tableaux dont je me souviens, de Millet, l'Angélus et puis les Glaneuses. Moi, je les admirais. Mais jamais, je ne me souviens pas, jamais l'instituteur nous a parlé de ce peintre. Et il nous a expliqué les tableaux. Jamais. Thank you. Nicole Savy, directrice du service culturel au musée d'Orsay. Il y a une quantité extraordinaire de portraits. Quand on parle de quelqu'un, on essaye de mettre son portrait à côté, tout à fait indépendamment de la qualité de l'œuvre, mais on a envie de voir la tête qu'il a, ce qui fait une abondance de barbus, par exemple, dans les dictionnaires du tournant du siècle. Première chose. Deuxième chose, c'est la surreprésentation de la peinture d'histoire. Les enfants de France ont vraiment appris l'histoire de France à travers un certain nombre de scènes, tableaux très étonnants. Je pense par exemple aux Énervés de Jumièges, qui étaient reproduits dans les grandes planches sépia du Larousse du XXe siècle. Roger Caillois. J'ai regardé comme hautement fantastique un tableau que j'ai vu sur les pages sépia du dictionnaire Larousse, elle n'était pas en couleur à ce moment-là, et qui représente deux jeunes princes mérovingiens que le tableau appelle les énervés de Jumièges et qui dérivent très lentement, les jambes emmaillotées sur une espèce de radeau, sur un fleuve très lent. Naturellement, le mot énervé, il est pour quelque chose, parce que ces gens sont le contraire de gens qui sont énervés, ils sont plus que calmes, ils sont affalés, ils ne peuvent pas faire un mouvement, et c'est que le mot énervé signifie à qui on a coupé les nerfs du jarret afin qu'il ne puisse plus monter à cheval et que par conséquent il ne puisse plus devenir roi. Mais l'atmosphère de stupeur, de lourdeur, de lenteur, de fatalité qui vient de la dérive sur le bord de la Seine, avec l'impression de tombeau que donne le radeau. Il y a même une petite flamme dans une lanterne qui est accrochée là. Et puis c'est l'impression de désespérance que donne l'ensemble du tableau, produit presque immanquablement une impression d'horreur. Que cherchent les premiers, l'équipe Auger au moment de la constitution de l'illustration du dictionnaire, c'est plutôt du sens, une peinture qui est du sens. Alors par exemple, on trouve beaucoup Jean-Paul Laurence, l'excommunication de Robert le Pieux, l'exécution de l'empereur Maximilien, des tableaux qui ont un sens. Dans la tradition Larousse, relativement assagie déjà au tournant du siècle, mais la tradition républicaine. Alors bien entendu, il y a tout de même un petit peu autre chose. Par exemple, on trouve au début, balbutiant, les premiers impressionnistes, mais l'Olympia de Manet, par exemple, arrivera très tard. On préfère les paysages, on préfère les choses. Peut-être aussi qu'elles sont plus difficiles à reproduire. Et ça, c'est sûrement un argument important. Alors pour vous, cela doit être parlant. Cette affirmation que le dictionnaire est un musée, je crois, Pierre Larousse le voulait un peu comme un musée. Non, c'est dans la définition du grand dictionnaire universel à l'article musée, le dictionnaire est un musée. C'est-à-dire quoi? C'est un objet mystérieux, c'est à la fois une sorte de totalité englobante, de trésor, comme on disait dans la langue classique, c'est-à-dire de recueil des choses les plus précieuses, c'est dire la valeur qu'il accordait aux mots. Les mots sont des objets précieux qu'il faut conserver, dont il faut conserver l'histoire, parce que, bon, qu'ils soient par ailleurs modernes et soucieux d'être toujours au goût du jour, des dernières connaissances, et les dernières connaissances, ça concerne aussi bien le référent, c'est-à-dire le dernier état de la technique, si on parle, je ne sais pas, de chemin de fer, par exemple, mais ça concerne aussi l'histoire des mots, la lexicographie, les étymologies, il trouve littré assez passéiste, par exemple, dans ce domaine-là, qui est plus scientifique. C'est-à-dire, pourquoi il le trouve particulièrement passéiste? Par exemple, l'article art, je m'étais amusée à comparer l'article art de Littré et l'article art ou beaux-arts, je ne sais plus, de Larousse. Larousse fait remarquer avec une certaine verdeur, parce que quand il veut s'amuser à critiquer, il n'hésite pas, quoiqu'il lui ait évidemment beaucoup d'estime pour les travaux de Littré, que pour Littré, art, ça veut uniquement dire beaux-arts, art esthétique. Uniquement ce sens-là. Alors que lui, Larousse, met dans son dictionnaire autre chose qui lui paraît fondamentale, et du point de vue contemporain, il a entièrement raison, qui est l'art de savoir faire quelque chose. L'art de parler, l'art de faire la cuisine, enfin toutes sortes d'arts qui n'ont rien à voir avec les beaux-arts au sens classique. Alors bien évidemment, Littré se cantonne délibérément dans la langue classique. Littré s'arrête en gros avec le Victor Hugo des Orientales. Enfin, il ne va pas au-delà de 1820-1830 pour l'état de la langue. Figuré 1. Agitation. 2. Anecdote, bavardage, chronique, commérage, confidence, conte, dire, éclat, fable, histoire, jacasserie, nouvelle, potin, ragot, renommée, réputation, rumeur. Michel Legrain. Alors il y a une chose curieuse, c'est que nous recevons un très gros courrier de lecteurs, très gros courrier, nous avons des lettres tous les jours, mais avec deux types de demandes, des demandes pour qu'on entre le cousin ou l'oncle, comment fait-on pour entrer dans le Petit Larousse, comme si c'était une consécration, donc le Petit Larousse est un lieu de mémoire, et si l'oncle célèbre n'y est pas, eh bien c'est que sa mémoire n'est pas honorée comme il le faut. Et en même temps, nous avons des lettres d'insultes quand on supprime un mot qui servait depuis des années à faire un mot croisé et qui n'y est plus, ou si on supprimait ce qui est emblématique, hein, ce qui sont les marques du Petit Larousse. Je ne suis pas sûr que beaucoup de nos lecteurs lisent les pages roses du Petit Larousse, les expressions d'origine étrangère, mais ce serait un scandale que de les supprimer parce qu'elles sont la signature d'un objet qui ne nous appartient pas à nous, mais qui appartient à l'ensemble de notre communauté. Elles sont absolument les mêmes depuis 1905 ? Eh bien, nous les avons regardées il y a une quinzaine de jours pour nous demander s'il fallait les modifier la mise en page, et on s'est aperçu qu'elles étaient les mêmes depuis le début du siècle. Ah, quelques détails près, on a ajouté des citations historiques, mais enfin, que j'ai sous les yeux, sous toute minéphagie, la fin du premier vers des églogues et du dernier vers des géorgiques de Virgile. On n'en a pas l'usage tous les jours, mais nous n'avons plus le droit d'y toucher, ça fait partie du monument. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de particulièrement fascinant dans le dictionnaire, parce que c'est une sorte de bibliothèque à portée de la main. C'est un peu quand même l'univers en réduction. Aujourd'hui, avec l'informatique, on peut peut-être avoir l'équivalent, en effet, sur un écran. L'un n'est pas exclusif, et maintenant les dictionnaires passent sur écran. Mais cette idée un peu magique, presque une sorte de boule de cristal, vous savez, qu'on frotte, et puis on voit l'univers dedans, si on est un petit peu magicien sur les bords. Bon, c'est ça que nous donnait le petit Larousse, ou le Grand Larousse, ou n'importe quel dictionnaire un peu ambitieux, nous avions quand même, moi j'avais quand j'étais jeune, le monde dans ma chambre et pratiquement dans ma main. Ça n'avait pas du tout de dimension mégalomaniaque, c'était plutôt au contraire une évasion, une fenêtre. On entrait dans cette boule de cristal, puis on n'en sortait plus, c'était très bien. Lieu de mémoire, Le Petit Larousse, par Simone Douek. Avec Jean Hébrard, Michel Legrain, Pascal Horry, Alain Ray, Nicole Savy, Luc Simon, Micheline Guilpin et les membres de l'association Pierre Larousse à Toussy. La voix de Roger Caillois. Archives INA, Céline Desroches. Groupe de réalisation, Bernard Laniel, Agnès Maton, Claude Giovanetti. Chanson, chant, chuintement, clameur, clapotage, clapotement, clapotis, clapement, claque et claquement, cliquetis, coup, craquement, craquettement, crépitation, crépitement, cri, criaillerie, crissement, croule, croulement, décrépitation, déflagration, détonation, écho, éclat, éclatement, explosion, fracas, froissement, frôlement, frottement, foufou, gargouillement, gargouillis, gazouillement, gémissement, grésillement, grincement, grognement, grondement, piment, hurlement, murmure, musique, onomatopée, pépillage, pépillement, pétarade, pépillement, râlement, ravage, roulement, ronron, ronronnement, roulement, rumeur, sifflement, son, souffle, soupir, stridulation, susurrement, tapement, tintement, ululation, ululement. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 17 décembre 1998.